السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين ما بعد طيب الكمسي تم بي إن شاء الله مشيت نصيحة إن شاء الله الله يبارك فيكم طيب Dans le 1, on a fait déjà des rappels par rapport à la manière de pouvoir profiter des livres de médecine. Car c'est venu à mes oreilles certains frères, Allah aidez, c'est des nouveaux. Certains ne savent peut-être même pas parler l'arabe. Et on peut les démotiver même à ne pas faire les cours de médecine. Alors que ces livres-là, walil alhamd, ils ont des longues années. Et alhamdoulilah, si vous avez fait attention autour de vous, la majorité profite de ces livres. Et certains comparent certains frères d'Égypte qui arrivent à d'autres frères qui sont peut-être ici, ou d'autres frères qui ont été peut-être en Mauritanie. Taïb, maintenant après moi je me suis renseigné un petit peu quelle était la manière, la pédagogie qu'il y avait en Égypte. Alhamdoulilah, il s'est avéré que c'était à peu près la même chose comme je vous demandais de faire. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Souvenez-vous, dans le 1, je vous disais quoi, barakallahu fikoum. Le fait de faire les livres de médecine, la grammaire, en elle-même, ça ne va pas t'aider à parler l'arabe. Si juste tu fais la grammaire. Je vous disais quoi? Il faut apprendre le vocabulaire. Il faut réviser, lire beaucoup. Ben, même les frères d'Égypte, ils disaient, on avait peut-être 50 mots à apprendre par jour. Alors que nous, de temps en temps, il y a quoi? 6 mots, 10 mots. Parce qu'il ne suffit pas même que de faire de la grammaire pour parler l'arabe. Là, toute langue lui faut du vocabulaire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire là, on va sortir du dars, par exemple, tu vas comprendre qu'est-ce que ça fait inna. Mais tu n'as pas de vocabulaire. Tu n'apprends pas des phrases. Automatiquement, tu n'auras que quoi? Des qawa'd, des règles. Et mais tu ne sauras pas parler. Mais alhamdoulilah, je peux vous citer plein de noms de frères qui sont ici, grâce à Allah. Ils ont fait le 1, le 2, le 3. Et demandez-leur. Actuellement, ils font que des cours en arabe. Pourquoi? Grâce à Allah, il y avait un effort personnel. Vous comprenez ça? Alors, souvent, on critique un livre alors que la faute, elle est sur nous-mêmes. Et ça arrive souvent, ça. On critique le prof alors que c'est la personne elle-même qui ne fait pas d'effort. Tu vois? Alors c'est pour ça, barakallahu fikoum, les frères, faites attention à ce type de nasiha. Tu vois? Il y avait un frère qui s'avérait. Il disait, non, il ne faut pas faire le cours, par exemple, en français, tout ça. Je lui donnais un exemple. Je lui dis, par exemple, on a un frère qui s'appelle Saber ici. Peut-être vous le connaissez. C'est un papa, il a 50 ans. Je lui dis, comment tu pourrais lui enseigner l'arabe? En arabe? Non. Comment lui enseigner le tawhid en arabe? Cheikh Mourbe, rahimallah, Cheikh Yahya, hafidallah. Et même, ils disent, moi, je ne peux pas enseigner. Il lui faut quelqu'un qui a la même langue que lui. Vous comprenez ça? Et j'ai demandé à un frère, il est avec nous. Il a dit en Égypte, une fois, pendant une heure, il a essayé de comprendre d'où il venait. Imaginez-vous, en une heure. En arabe. Et c'est payant, les cours. Alaykoum salam wa rahmatullah. Imaginez-vous alors des cours comme Al-Mudaf, Mudaf ilayh,